Vous écoutez? La croche-oreille. Salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL, une radio qu'on peut écouter sur la toile à ckrl.qc.ca et sur le poste au 89.1 au cadran. Gaëtan Gosselin au microphone, un plaisir de vous retrouver en compagnie d'artistes passionnés par la matière sonore. C'est une communication de Nick Storing, un artiste et relationniste de presse que je salue en passant, qui m'a mis sur la piste de Gail Young, une musicienne et une artiste sonore canadienne qui fait partie, ma foi, des pionnières de l'expérimentation. Bien que l'on ait associé Gail Young à la musique contemporaine de concert, je rappelle qu'elle est une pianiste de formation et que sa pratique artistique s'est avérée beaucoup plus large, englobant les arts sonores, l'improvisation, la composition, l'écriture et l'invention d'instruments sonores. C'est d'ailleurs la réalisation d'un projet de création intitulé Lithophonica, un projet conçu autour d'un instrument nommé lithophone, constitué de pierre, qui a littéralement séduit de par sa richesse de tonalité métaphorique le fruit, dit-elle, de cette passion pour la création de rythmes et de textures en réponse à des représentations du quotidien. Bon, Gail Young a un parcours fabuleux, à la fois éditrice de magazines et autrice. Elle a rédigé des articles sur le paysage sonore, sur l'écoute attentive, sur les pionnières et les pionniers de l'expérimentation sonore, dont une importante biographie sur le compositeur canadien Hugh Le Quesne. J'ai eu la chance de m'entretenir avec Gail Young il y a quelques semaines en téléprésence, bon, vous le constaterez là, sur le plan sonore, alors qu'elle nous parle de son parcours, de ses influences et de ses tout récents projets. Gail Young, bienvenue à l'émission. Très heureux de vous accueillir ce matin. Gail, welcome to the radio program, La Croche-Oreille. It's very happy to see you and to speak with you this morning. Thanks so much for, Gail, vous avez étudié la composition musicale à la fin des années 70. Quel a été le moment d'éveil à l'expérimentation musicale puis ensuite à la matière sonore? I was already interested in exploring beyond the classical music I grew up with. I was a piano player. And then I became a songwriter, a singer-songwriter. And I realized my boundaries were very narrow. So I signed up to study at York. But I was really surprised by the level of engagement. Soon after I got there, there was a concert of biofeedback with Richard Teilbaum, who was teaching there then, recording the brainwaves of Tai Chi dancer, whose name was Barbara Mayfield, and then using that to control his analog synthesizer, and then the rhythms produced by the Tai Chi dancer, the brainwaves produced by the Tai Chi dancer, was then interpreted by a classical South Indian drummer, Trishi Shankaran. So David Rosenbaum also did electronics. So there was four people that became really important to me in my growing awareness of sound. And that night I went out after, there was a starry sky, and I was amazed by the amount of adventure I had heard that night, adventure in sound. Gail, pour se mettre dans l'ambiance de votre création, de création sonore, on va écouter un extrait d'un album, très bel album, qui s'intitule According to the Moon, une pièce qui s'intitule Ancient Ocean Floor. Alors, on va écouter ça ensemble. Thank you. Gail, si vous aviez à définir votre démarche artistique, quels sont les premiers mots qui vous viennent en tête? What are the first words that come to your minds? I suppose exploration would be one, and acoustics would be another, and response to sound. Et vous avez été influencé par un créateur ou... créatrice, un artiste en particulier, durant votre carrière au départ de votre démarche? Yes, I've been influenced by almost all the music I've heard. Some of it's been extremely exciting. I feel like I'm part of a community of sound exploration. Gail, on va écouter une autre de vos créations, celle-là tirée d'un album tout chaud, tout récent, intitulé Lithophonica, un album, un projet réalisé avec la collaboration de James Harley et album réalisé avec un nouvel instrument, le lithophone. Alors, on écoute ça et puis on reprend la conversation à propos de ce beau projet. Thank you. Gail, bon, on vient d'entendre un extrait de ce beau projet intitulé Lithophonica. Ben, j'aimerais que vous me racontiez l'histoire de ce projet. D'où vous est venue l'inspiration pour ce projet de création réalisé avec James Harley? It began with me playing on a beach in the Bonavista area of Newfoundland. And there were little stones there, maybe the size of a candy bar. And they were flat. And I was throwing them in the water and playing around with them. But then I noticed the sound that the stones made when the waves came in. There was something else about those stones. They sounded slightly different from other beaches. So I picked one up and I treated it like a marimba bar, which is you hold the object at one quarter of its length and see if it has a pitch and check to see if it has a pitch. And to my amazement, many of those stones had pitches. So I collected them and I wrote A flat on them with pencil crayon or whatever. And it was approximate tuning, of course. And there was lots of noise in the tone. It wasn't a pure tone, you can imagine. Well, you've heard that on the audio. And then I started playing them on the album illustrations. There's one, the cover one is me playing it on my 24 string instrument, but I also played it on an auto harp and a slide guitar. So I had three sets when I played live, three sets of strings with stones on them. And I played a couple of concerts solo like that, but James Harley has been a friend of mine for a long time, and he said, this sounds interesting enough to work with. So he and I started working as a duo and playing together. We played at Sound Symposium, for instance, and then we decided to make the recording. And he has a background in instrumental music, and I have a background in electronic music. So we both share each other's ways of listening, and I think that really helped us shape the music. Gail, vous avez un parcours très riche. Bon, vous êtes active dans le milieu des arts, musique, arts sonores depuis les années 70. Bon, je pense à la direction du magazine canadien Music Work, à votre collaboration au Centre Symposium de Saint-Jean, bon, à Terre-Neuve, à la bio de Hugh Lecain que vous avez rédigée. Quelle lecture faites-vous de l'évolution des arts sonores et des nouvelles musiques au cours des 20 dernières années? It's a great question. You have a very rich career, having been active for 40 years now. What's your take on the evolution of sound art and new music over the past 20 years? What do you think in large perspective? I think it's interesting that, well, I shouldn't say interesting. People used to think of music in categories like classical music, jazz music, folk music. And a lot of the boundaries between those fairly defined kinds of music have been eroded. And I think that's really exciting to see the hybrids and the combinations and the interactions that are taking place. Et qu'est-ce que vous pensez de la production sonore et musicale actuelle, bon, au Canada ou encore dans votre environnement de création, dans votre environnement artistique? Yes, there's lots of new material coming out. More visual artists are using sound now. When I did the piece According to the Moon in the late 70s, it was one of the first visual art installations that were accompanied by sound. And I think it's the integration of sound and space in contemporary work, not just visual art, but even in people are more conscious of the space that they are in, I think, because of the attention to sound and adding a sound. Yeah. Gail, on va écouter un extrait d'un très bel album que vous avez réalisé avec Robert Wheeler. Ça s'intitule From Grimsby to Milan. Très beau projet. Alors, on écoute ça et puis on poursuit notre conversation. Gail, on vient d'entendre un extrait du projet que vous avez réalisé avec Robert Wheeler et ça m'amène sur ce terrain. C'est important pour vous, le travail de collaboration. Je pense entre autres aux travaux que vous avez faits avec Sarah Albou, Eva Egoyan. Dites, c'est important? As I've continued through my various artistic projects, I think my reliance on collaboration has increased. And one example of that is when I play a solo concert, I often pre-record a sound and then I play a duet with what I pre-recorded, which means that I'm improvising with myself. And I don't usually play it the same way twice. Every time I play it, something new comes up. So the early music that I wrote had five-line staffs and notes and things, and increasingly, it has a description in words about how I put it together and how to respond to it. In that sense, it's a bit like a Pauline Oliveros score. Gail, on va écouter un extrait d'une trame sonore que vous avez réalisée pour le film de Michel Despatie. Ça s'intitule Fragilizade. Alors, on écoute ça. Voilà ce qui complète la première demi en compagnie de l'artiste sonore, improvisatrice et facteur d'instruments, factrice, je devrais dire, Gail Young. Alors restez des nôtres, je vous reviens après un bref battement promo. À tout de suite. Vous écoutez CKRL Radio. Vous écoutez La Croche Oreille. On est de retour, vous écoutez La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL de 89.1 à Québec. Gaëtan Gosselin avec vous jusqu'à 22h. Je vous rappelle que vous retrouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille. Vous trouverez ça, facilement sur la toile. J'accueille ce soir en entretien l'artiste sonore, musicienne, autrice et éditrice canadienne Gail Young dans la foulée de la sortie d'un album récent intitulé Lito Phonica qu'elle a réalisé avec la collaboration de James Hanley, un album dans lequel elle exploite un instrument de percussion inventé, le lithophone, qui est constitué de pierres, lesquelles se mêlent aux sons de cloches, de bâtons et d'instruments à cordes. Pendant que Gail fait résonner sa collection de pierres, James Hanley amplifie leur résonance, sculptant les sons par granulation, superposition, transposition, délai et spatialisation. Bon, c'est ce qu'on lit dans la documentation. Les cloches résonnent avec les pierres vibrent sur les cordes et les bâtons résonnants rebondissent sur celles-ci. Gail Young souligne, et c'est plutôt intéressant, que sa collection de pierres résonantes provienne des rivages de Terre-Neuve et ses bâtons résonnants issus de huttes de castors abandonnées en Ontario. Bon, en tout cas, c'est épatant comme idée. Bon, je vous retrace, cela dit, à grands traits, le parcours de Gail, qui étudie la composition à l'Université York avec David Rosenboom et Richard Teitelbaum. On est dans les années 70, bon, des professeurs réputés qui ont éveillé son intérêt pour l'expérimentation et les technologies de création musicale. Bon, on parle du biofeedback, des musiques génératives et des micro-tonalités. C'est l'exploration de ces technologies qui enrichit son intérêt pour l'acoustique et la perception sonore. Gail va également travailler avec le réputé compositeur américain James Tenney pendant ses études, dont l'intérêt pour la psychoacoustique et l'exploitation des tonalités va enrichir son parcours comme factrice d'instruments notamment. Cette passion pour l'expérimentation musicale, par le biais des technologies, l'amène quelques années plus tard à la rédaction de cette biographie sur le compositeur et inventeur canadien Hugh Le Quesne. Gail Young va diriger pendant plusieurs années le magazine canadien Music Work et mener parallèlement des projets de création sonore qui vont prendre la forme de performances, d'installations et d'expositions, des projets très en lien notamment avec la nature. Je recherche des connexions et des relations entre les sons, raconte Gail en entrevue, et je les présente presque comme des phénomènes naturels. C'est un processus de découverte de mondes sonores inédits qui emmène mon écoute au-delà de mes expériences antérieures. Bon, boursière du Conseil des arts du Canada, Young a reçu des marques de reconnaissance et des prix, dont le prix Roberta Stephen de l'Association canadienne des femmes compositrices. On est en 2018. Elle a réalisé des commandes, donné des concerts, mené de nombreux nombreuses résidences au Canada et à l'étranger. Et elle est demeurée très engagée dans la communauté artistique par la rédaction d'articles et œuvrant notamment au sein de l'équipe artistique du Centre Symposium de Terre-Neuve, un événement très important sur la scène sonore canadienne. Bien que ses responsabilités variées la conduisent à se décrire comme une compositrice s'accaparant le temps lorsqu'elle le peut, Young demeure engagée activement sur la scène artistique, faisant preuve d'une grande curiosité expérimentale par le biais de ses performances, de ses sculptures sonores, de ses instruments inventés et de ses publications. Cela dit, on poursuit ensemble l'écoute de l'entretien que Gail Young m'accordait il y a quelques semaines. Gail, vous avez réalisé de nombreux projets de création sonore inspirés très souvent par des instrumentations inventées. Bon, je pense à la Columbine, à l'amarante, au lithophone. Bon, comment ça émerge un projet d'instrument? Qu'est-ce qui vous inspire pour créer un instrument? How does an instrument project emerge at the beginning for creating an instrumentation, musical or sound instrumentation? For Fragilidad, I used the 24-string instrument, the amaranth, the one that's in the background of the Lithophonica CD, and I tuned it to what's called a just tuning, which means fractions define all of the notes in between. And some of those sounds are fragile, and some of them emerge and submerge, as do the images in Michelle's film. And so it's all me recording that from that one instrument in response to what I saw that Michelle had sent me. The first instrumentation you have done, where does the inspiration of the first time you have the idea to create an instrument? That was from curiosity. And I made it out of electrical equipment. Inside every modern house, there's a tube of steel where the wires go through, mostly so the mice can't get to it, if you eventually have anything like that in your house. It's safer in many ways, like if you're correcting how the carpentry works, you can't break through that with the saw, for instance. So it's a safety issue. But it's interesting because they sound a lot like a vibraphone bar. So I made it, the first instrument I made out of, it's called electrical conduit tubing. I'm sure there's a good word for it en français. but It's the same thing as the stones for lithophonica. You have a tube, a cylinder, and you hold it at a quarter of its length with one hand and hit it with a percussion mallet with the other hand, and that's the pitch of that, the resonant pitch of that piece of material. So I've done it with wood, I've done it with steel, and I've done it with stone. But it all works the same. Gail, on va écouter un autre extrait de ce très bel album intitulé According to the Moon, une pièce intitulée Arbre, Tree, Bomb. Très belle pièce inspirée d'un jeu de voix magnifique. On écoute ça. Skorush. Cypress. Sassafras. Artsar. Cypress. Sumac. Cypress. Pioppo, pioppo, pioppo, pioppo, pioppo, pioppo, pioppo, pioppo, pioppo, pioppo, pioppo, pioppo, pioppo, pioppo, pioppo, pioppo, pioppo, pioppo, pioppo, pioppo, pioppo, pioppo, pioppo, pioppo, pioppo, pioppo, pioppo, pioppo, cèdre. Black oak. Apfel. Pin oak. Épinette. Papa. Papel, espèce, pique, bouque, kirsche, castagne, apple, trauer, weide, kirsche, cypresse, zeter, espèce, zeter, fichte, fichte, erre, kirsche, castagne, trauer, weide, asche, asche, ulme. Hop, hornbeam, hop, hemlock. Ulme. Poplar, tamarack, hackamatack. Ulme. Mente. Hackberry, juniper. Pflaumen. Oak, pine, poplar. Pflaumen. Spruce. Sumac. Tulip. Lebensbaum. Slippery elm. Tulip. Sureau. Sycamore. Sumac. Sycamore. Slippery Hemlock. Elm. Cypress. Sureau. Sycamore. Cypress. Sumac. Castagne. Slippery elm. Coffee. Sureau. Castagne. Sumac. Castagne. Plum. Pignut. Tackamore. Castagne. Plum. Pignut. Tackamore. Cucumber. Kirsche. Cucumber, cucumber, skorush, sitka, artsar, artsar, artsar, black oak, pin oak, papa, hackberry, hackamatack, sassafras, tamarack, zeteresa, bukfa, tamarack, bukfa, hackamatack, tölgfa, hackberry, bukfa, fish. Fenny, Chokecherry. Apfel, Kiefer, Zypress, Zeter, Espe, Zeter, Espe, Fichte. Which? Fren. Chestnut. Eiche, Esche, Ulme. Amélanchier. Shag bark. Ulme. Hickory. Amélanchier. Shining. Amélanchier. Showy mountain ash. Amélanchier. Shag bark, Hickory. Shining willow. Showy mountain ash. Lebensbaum. Butternut, redbud, beech. Lebensbaum. Betula. Buckthorn, birch. Balsam. Black gum, butternut. Lebensbaum. Beech. Birch. Redbud. Bulo. Dog. Betula. Mulberry, redbud. Shell bark, shag bark. Apfel. Hickory. Magnolia. Mesteakan. Elderberry, juneberry. Mesteakan. Mesteakan. Mesteakan. Mentu. Mesteakan. Mentu. Mesteakan. Mesteakan. Mentu. Mesteakan. Trauerweide. Berry. Syro. Fren. Aspen. Maple. Kastanie. Cottonwood. Kastanie. Tiel. Kastanie. castagne, castagne, castagne, castagne, castagne, kirsche, weeping willow, kirsche, kirsche, kirsche, kirsche, kirsche, willow, pin, cherry, tiel, mulberry, nannyberry, kirsche, birke, buke, pin, cherry, catapa, castagne, weeping willow, trauer, shining willow, trauer, Javor. Kiefer. Sitka, spruce. Fichte. Silver. Buke, birke, kirsche, kastanje. Silver. Buke, birke, kirsche, kastanje. Hackberry, hackamatek. Buke, birke, kirsche. Hackberry, hackamatek. Tamarack. Skorush. Ahorn. Skorush. Ahorn. Skorush. Syro. Sumac. Trauerweide. Trauerweide. Shagbark. Erle. Cedar. Tien. Eiche. Eiche. Bitch. Hazel. Bitch. Esche. Bulo. Betula. Esche. Bon, Gail, on est déjà à la toute fin de notre conversation, conversation très agréable. Dites-moi, quels sont les projets là, qui sont sur votre feuille de route pour les prochains mois, les prochaines semaines? Well, Arbor Tribaum was premiered in Quebec City. And I'll send you later what the date and time was. It was, I think it was a sound poetry festival or something. So for it, it's a collaboration between me and my long-term partner, Reinhard Reisenstein, who does a lot of visual art related to trees. So we have a lot of identification books on how to identify which one is a white spruce, for instance. And so Reinhard speaks German. So we had all the German names for all the trees, all the English names, all the French names, and all the Latin names in columns. And then I paired them up, not according to what kind of tree it is, but according to what kind of sounds in it. So all the trees that have S's and Z's were in one column. And all the trees that have P, T, K, sounds like K, they were all in a different column. And then we handed that out to the audience, and they drowned us out. They were so enthusiastic about it. They all had their favorite trees, and they would try and say their tree names louder. And we had microphones, but they were far louder than we were. It was a very exciting premiere. Tout à fait. Gail, grand merci de m'avoir accordé cette rencontre ce matin. C'était vraiment très agréable. Alors, voilà, beau succès dans vos projets à venir et à très bientôt sur Québec. Alors, on l'espère. I really appreciate our conversation. I know it can go on for a while. And thanks so much for... Ainsi s'achève la croche-oreille pour ce soir en compagnie des créations sonores de l'artiste, musicienne, conceptrice d'instruments, Gail Young. Grand merci à Gail de nous avoir permis l'écoute de ses œuvres qu'on retrouve sur le label Four Points Recording, que vous retrouverez notamment sur la plateforme Bandcamp. Comme à l'habitude, vous trouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille, ainsi que toutes les émissions pour écoute ou réécoute quand ça vous tente. Cela dit, restez des nôtres, c'est Rock Medium et Mathieu Johnson qui s'amène dès 22h. Quant à moi, je suis de retour la semaine prochaine, 21h, sur les ondes de CKRL 89.1 pour une autre aventure sonore. On termine l'émission sur des créations de Gail Young. Voilà, depuis les studios de CKRL dans Limoilou. Au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue.